13. Nous prenons ici sur le fait, dans son intervention, une volonté supérieure, mais peut-être imprudente, qui contrarie irrésistiblement la volonté intelligente d'une vie. De pareilles interventions sont assez fréquentes dans le monde des insectes. Il est curieux de les y étudier. Ce monde étant plus peuplé, plus complexe que les autres, souvent on y saisit mieux certains désirs de la nature, et on l'y surprend au milieu d'expériences qu'on pourrait croire inachevées. Elle a, par exemple, un grand désir général qu'elle manifeste partout, à savoir l'amélioration de chaque espèce par le triomphe du plus fort. D'habitude, la lutte est bien organisée. L'hécatombe des faibles est énorme, cela importe peu pourvu que la récompense du vainqueur soit efficace et sûre. Mais il est des cas où l'on dirait qu'elle n'a pas encore eu le temps de débrouiller ses combinaisons, où la récompense est impossible, où le sort du vainqueur est aussi funeste que celui des vaincus. Et pour ne pas quitter nos abeilles, je ne sache rien de plus frappant sous ce rapport que l'histoire des triongulins du Citharis coletis. On verra du reste que plusieurs détails de cette histoire ne sont pas aussi étrangers à celle de l'homme qu'on serait tenté de le croire. Ces triongulins sont les larves primaires d'un parasite propre à une abeille sauvage, obtusilingue et solitaire, la colette ou colétesse, qui bâtit son nid en des galeries souterraines. Il guette l'abeille à l'entrée de ces galeries, et au nombre de 3, 4, 5 et souvent davantage, s'accroche à ses poils et s'installe sur son dos. Si la lutte des forts contre les faibles avait lieu à ce moment, il n'y aurait rien à dire, et tout se passerait selon la loi universelle. Mais, on ne sait pourquoi, leur instinct veut, et par conséquent la nature ordonne, qu'ils se tiennent tranquilles tant qu'ils sont sur le dos de l'abeille. Pendant qu'elle visite les fleurs, qu'elle maçonne et approvisionne ses cellules, ils attendent patiemment leur heure. Mais sitôt qu'un œuf est pondu, tous sautent dessus, et l'innocente Colette referme soigneusement la cellule bien pourvue de vivre, sans se douter qu'elle y emprisonne en même temps la mort de sa progéniture. La cellule close, l'inévitable et salutaire combat de la sélection naturelle commence aussitôt entre les triongulins autour de l'œuf unique. Le plus fort, le plus habile, saisit son adversaire au défaut de la cuirasse, l'élève au-dessus de sa tête et le maintient ainsi dans ses mandibules des heures entières, jusqu'à ce qu'il expire. Mais, pendant la bataille, un autre triongulin, resté seul ou déjà vainqueur de son rival, s'est emparé de l'œuf et l'a entamé. Il faut alors que le dernier vainqueur vienne à bout de ce nouvel ennemi, ce qui lui est facile, car le triongulin, qui assouvit une faim prénatale, s'attache si obstinément à son œuf qu'il ne songe pas à se défendre. Enfin, le voilà massacré, et l'autre se trouve seul en présence de l'œuf si précieux et si bien gagné. Il plonge avidement la tête dans l'ouverture pratiquée par son prédécesseur et entreprend le long repas qui doit le transformer en insecte parfait et lui fournir les outils nécessaires pour sortir de la cellule où il est séquestré. Mais la nature, qui veut cette épreuve de la lutte, a d'autre part calculé le prix de son triomphe avec une précision si avare qu'un œuf suffit tout juste à la nourriture d'un seul triongulin. De sorte, dit M. Maillet, à qui nous devons le récit de ces déconcertantes mésaventures, de sorte qu'à notre vainqueur manque toute la nourriture que son dernier ennemi a absorbée avant de mourir. Et incapable de subir la première mue, il meurt à son tour, reste suspendu à la peau de l'œuf, où va augmenter, dans le liquide sucré, le nombre des noyés. 14. Ce cas, bien qu'il soit rarement aussi clair, n'est pas unique dans l'histoire naturelle. On y voit à nu la lutte entre la volonté consciente du triongulin qui entend vivre et la volonté obscure et générale de la nature qui désire également qu'il vive et même qu'il fortifie et améliore sa vie plus que sa volonté propre ne le pousserait à le faire. Mais, par une inadvertance étrange, l'amélioration imposée supprime la vie même du meilleur et le Citharis coletis aurait depuis longtemps disparu si des individus, isolés par un hasard contraire aux intentions de la nature, n'échappaient ainsi à l'excellente et prévoyante loi qui exige partout le triomphe des plus forts. Il arrive donc que la grande puissance, qui nous semble inconsciente, mais nécessairement sage, puisque la vie qu'elle organise et qu'elle maintient lui donne toujours raison, il arrive donc qu'elle tombe dans l'erreur. Sa raison suprême, que nous invoquons quand nous atteignons les limites de la nôtre, aurait donc des défaillances ? Et si elle en a, qui les redresse ? Mais revenons à son intervention irrésistible qui prend la forme de la parthénogenèse. Ne l'oublions point, ces problèmes que nous rencontrons dans un monde qui paraît très éloigné du nôtre nous touchent de fort près. D'abord, il est probable qu'en notre propre corps, qui nous rend si vains, tout se passe de la même façon. La volonté ou l'esprit de la nature, opérant en notre estomac, en notre cœur et dans la partie inconsciente de notre cerveau, ne doit guère différer de l'esprit ou de la volonté qu'elle a mis dans les animaux les plus rudimentaires, les plantes et les minéraux même. Ensuite, qui oserait affirmer que des interventions plus secrètes, mais non moins dangereuses, ne se produisent jamais dans la sphère consciente de l'homme ? Dans le cas qui nous occupe, qui a raison en fin de compte de la nature ou de l'abeille ? Qu'arriverait-il si celle-ci, plus docile ou plus intelligente, comprenant trop parfaitement le désir de la nature, le suivait à l'extrême ? Et puisqu'elle demande impérieusement des mâles, les multipliait à l'infini. Ne risquerait-elle pas de détruire son espèce ? Faut-il croire qu'il y ait des intentions de la nature qu'il soit dangereux de saisir et funeste de suivre avec trop d'ardeur, et qu'un de ses désirs souhaite qu'on ne pénètre et qu'on ne suive pas tous ses désirs ? N'est-ce point là, peut-être, un des périls que court la race humaine ? Nous aussi, nous sentons en nous des forces inconscientes qui veulent tout le contraire de ce que notre intelligence réclame. Est-il bon que cette intelligence qui, pour l'ordinaire, après avoir fait le tour d'elle-même, ne sait plus où aller, est-il bon qu'elle rejoigne ses forces et y ajoute son poids inattendu ? 15. Avons-nous le droit de conclure du danger de la parthénogenèse que la nature ne sait pas toujours proportionner les moyens à la fin, que ce qu'elle entend maintenir se maintient parfois grâce à d'autres précautions qu'elle a prises contre ces précautions mêmes, et souvent aussi par des circonstances étrangères qu'elle n'a point prévues ? Mais prévoit-elle, entend-elle maintenir quelque chose ? La nature, dira-t-on, c'est un mot dont nous couvrons l'inconnaissable, et peu de faits décisifs autorisent à lui attribuer un but ou une intelligence. Il est vrai. Nous manions ici les vases hermétiquement clos qui meublent notre conception de l'univers. Pour n'y pas mettre invariablement l'inscription « inconnue » qui décourage et impose le silence, nous y gravons, selon la forme et la grandeur, les mots « nature »,« vie »,« mort »,« infini », »,« sélection », »,« génie de l'espèce » et bien d'autres, comme ceux qui nous précédèrent, y fixèrent les noms de « Dieu », de « providence », de « destin », de « récompense », etc. C'est cela, si l'on veut, et rien davantage. Mais si le dedans demeure obscur, du moins y avons-nous gagné que les inscriptions étant moins menaçantes, nous pouvons approcher des vases, les toucher et appliquer l'oreille avec une curiosité salutaire. Mais quelque nom qu'on y attache, il est certain qu'à tout le moins l'un de ces vases, le plus grand, celui qui porte sur ses flancs le mot « nature », renferme une force très réelle, la plus réelle de toutes, et qui sait maintenir sur notre globe une quantité et une qualité de vie énorme et merveilleuse par des moyens si ingénieux que l'on peut dire sans exagération qu'il passe tout ce que le génie de l'homme est capable d'organiser. Cette qualité et cette quantité se maintiendraient-elles par d'autres moyens ? Est-ce nous qui nous trompons en croyant voir des précautions là où il n'y a peut-être qu'un hasard fortuné qui survit à un million de hasards malheureux ? 16. Il se peut, mais ces hasards fortunés nous donnent pour lors des leçons d'admiration qui égalent celles que nous trouverions au-dessus du hasard. Ne regardons pas seulement les êtres qui ont une lueur d'intelligence ou de conscience et qui peuvent lutter contre les lois aveugles. Ne nous penchons même pas sur les premiers représentants nébuleux du règne animal qui commence, les protozoaires. Les expériences du célèbre microscopiste M. H. J. Carter, F.R.S., montrent en effet qu'une volonté, des désirs, des préférences se manifestent déjà dans des embryons aussi infimes que les myxomycètes, qu'il y a des mouvements de ruse dans des infusoires privés de tout organisme apparent, tel que l'ameuba, qui guette avec une sournoise patience les jeunes acinètes, à la sortie de l'ovaire maternel, parce qu'elle sait qu'à ce moment, elles n'ont pas encore de tentacules vénéneuses. Or, l'ameuba ne possède ni système nerveux, ni organes d'aucune espèce que l'on puisse observer. Allons directement aux végétaux, qui sont immobiles et semblent soumis à toutes les fatalités. Et sans nous arrêter aux plantes carnivores, aux droséras par exemple, qui agissent réellement comme les animaux, étudions plutôt le génie déployé par telle de nos fleurs les plus simples pour que la visite d'une abeille entraîne inévitablement la fécondation croisée qui leur est nécessaire. Voyons le jeu miraculeusement combiné du rostellum, des rétinacles, de l'adhérence et de l'inclinaison mathématique et automatique des pollinies dans l'Orchis morio, l'humble orchidée de nos contrées. Note. Il est impossible de donner ici le détail de ce piège merveilleux décrit par Darwin. En voici le schème grossier. Le pollen, dans l'Orchis morio, n'est pas pulvérulent, mais aggloméré en forme de petites massues appelées pollinies. Chacune de ces massues, elles sont deux, se termine à son extrémité inférieure par une rondelle visqueuse, le rétinacle, renfermé dans une sorte de sac membraneux, le rostellum, que le moindre contact fait éclater. Quand une abeille se pose sur la fleur, sa tête, en s'avançant pour pomper le nectar, effleure le sac membraneux qui se déchire et met à nu les deux rondelles visqueuses. Les pollinies, grâce à la glue des rondelles, s'attachent à la tête de l'insecte qui, en quittant la fleur, les emporte comme deux cornes bulbeuses. Si ces deux cornes chargées de pollen demeuraient droites et rigides au moment où l'abeille pénètre dans une orchidée voisine, elles toucheraient et feraient simplement éclater le sac membraneux de la seconde fleur, mais elles n'atteindraient pas le stigmate ou organe femelle qu'il s'agit de féconder et qui est situé au-dessous du sac membraneux. Le génie de l'Orchis morio a prévu la difficulté et au bout de 30 secondes, c'est-à-dire dans le peu de temps nécessaire à l'insecte pour achever de pomper le nectar et se transporter sur une autre fleur, la tige de la petite massue se dessèche et se rétracte, toujours du même côté et dans le même sens. Le bulbe qui contient le pollen s'incline et son degré d'inclinaison est calculé de telle sorte qu'au moment où l'abeille entrera dans la fleur voisine, il se trouvera tout juste au niveau du stigmate sur lequel il doit répandre sa poussière fécondante. Voir, pour tous les détails de ce drame intime du monde inconscient des fleurs, l'admirable étude de Charles Darwin de la fécondation des orchidées par les insectes et des bons effets du croisement. 1862. Fin de note. Démontons la double bascule infaillible des anthères de la sauge qui viennent toucher à tel endroit le corps de l'insecte visiteur pour qu'à son tour, il touche à tel endroit précis le stigmate d'une fleur voisine. Suivons aussi les déclenchements successifs et les calculs du stigmate du Pedicularis sylvatica. Voyons à l'entrée de l'abeille tous les organes de ces trois fleurs se mettre en mouvement à la manière de ces mécaniques compliquées que l'on trouve dans nos foires villageoises et qui entrent en branle quand un tireur habile a touché le point noir de la cible. Nous pourrions descendre plus bas encore, montrer, comme l'a fait Ruskin dans ses Ethics of the Dust, les habitudes, le caractère et les ruses des cristaux, leurs querelles, ce qu'ils font quand un corps étranger vient troubler leurs plans, qui sont plus anciens que tout ce que notre imagination peut concevoir, la manière dont ils admettent ou rejettent l'ennemi, la victoire possible du plus faible sur le plus fort, par exemple le quartz tout-puissant qui cède courtoisement à l'humble et sournois épidote et lui permet de le surmonter, la lutte tantôt effroyable, tantôt magnifique, du cristal de roche avec le fer, l'expansion régulière, immaculée, et la pureté intransigeante de tel bloc hyalin qui repousse d'avance toutes les souillures, et la croissance maladive, l'immoralité évidente de son frère qui les accepte et se tord misérablement dans le vide. Nous pourrions invoquer les étranges phénomènes de cicatrisation et de réintégration cristalline dont parle Claude Bernard, etc. Mais ici, le mystère nous est trop étranger. Tenons-nous à nos fleurs qui sont les dernières figures d'une vie qui a encore quelque rapport à la nôtre. Il ne s'agit plus d'animaux ou d'insectes auxquels nous attribuons une volonté intelligente et particulière, grâce à laquelle ils survivent. À tort ou à raison, nous ne leur en accordons aucune. En tout cas, nous ne pouvons trouver en elles la moindre trace de ces organes où naissent et siègent d'habitude la volonté, l'intelligence, l'initiative d'une action. Par conséquent, ce qui agit en elles d'une manière si admirable vient directement de ce qu'ailleurs nous appelons la nature. Ce n'est plus l'intelligence de l'individu, mais la force inconsciente et indivise qui tend des pièges à d'autres formes d'elle-même. En induirons-nous que ces pièges soient autre chose que de purs accidents, fixés par une routine accidentelle aussi ? Nous n'en avons pas encore le droit. On peut dire qu'au défaut de ces combinaisons miraculeuses, ces fleurs n'eussent pas survécu, mais que d'autres, qui n'auraient pas eu besoin de la fécondation croisée, les eussent remplacées sans que personne ne se fût aperçu de l'inexistence des premières, sans que la vie qui ondule sur la terre nous eût paru moins incompréhensible, moins diverse, ni moins étonnante. 17. Et pourtant, il serait difficile de ne pas reconnaître que des actes qui ont tout l'aspect d'actes de prudence et d'intelligence provoquent et soutiennent les hasards fortunés. D'où émanent-ils ? Du sujet même ou de la force où ils puisent la vie ? Je ne dirais pas « peu importe », au contraire, il nous importerait énormément de le savoir. Mais en attendant que nous l'apprenions, que ce soit la fleur qui s'efforce d'entretenir et de perfectionner la vie que la nature a mise en elle, ou la nature qui fasse effort pour entretenir et améliorer la part d'existence que la fleur a prise, que ce soit enfin le hasard qui finisse par régler le hasard, une multitude d'apparences nous invite à croire que quelque chose d'égal à nos pensées les plus hautes sort par moments d'un fond commun que nous avons à admirer sans pouvoir dire où il se trouve. Il nous semble parfois qu'une erreur sorte de ce fond commun. Mais bien que nous sachions fort peu de choses, nous avons maintes fois l'occasion de reconnaître que l'erreur est un acte de prudence qui passait la portée de nos premiers regards. Même dans le petit cercle que nos yeux embrassent, nous pouvons découvrir que si la nature paraît se tromper ici, c'est qu'elle juge utile de redresser là-bas son inadvertance présumée. Elle a mis les trois fleurs dont nous parlons dans des conditions si difficiles qu'elles ne peuvent se féconder elles-mêmes. Mais c'est qu'elle juge profitable, sans que nous pénétrions pourquoi, que ces trois fleurs se fassent féconder par leurs voisines. Et le génie qu'elle n'a pas montré à notre droite, elle le manifeste à notre gauche, en activant l'intelligence de ses victimes. Les détours de ce génie nous demeurent inexplicables, mais son niveau reste toujours le même. Il paraît descendre dans une erreur, en admettant qu'une erreur soit possible, mais il remonte immédiatement dans l'organe chargé de la réparer. De quel côté que nous nous tournions, il domine nos têtes. Il est l'océan circulaire, l'immense nappe d'eau sans étiage, sur laquelle nos pensées les plus audacieuses, les plus indépendantes, ne seront jamais que des bulles soumises. Nous l'appelons aujourd'hui la nature, et demain nous lui trouverons peut-être un autre nom, plus terrible ou plus doux. En attendant, il règne à la fois et d'un esprit égal sur la vie et la mort, et fournit aux deux sœurs irréconciliables les armes magnifiques ou familières qui bouleversent et qui ornent son sein. 18. Quant à savoir s'il prend des précautions pour maintenir ce qui s'agite à sa surface, ou s'il faut fermer le plus étrange des cercles en disant que ce qui s'agite à sa surface prend des précautions contre le génie même qui le fait vivre, voilà des questions réservées. Il nous est impossible de connaître si une espèce a survécu malgré les soins dangereux de la volonté supérieure, indépendamment de ceux-ci, ou enfin grâce à eux seuls. Tout ce que nous pouvons constater, c'est que telle espèce subsiste, et que par conséquent, la nature semble avoir raison sur ce point. Mais qui nous apprendra combien d'autres, que nous n'avons pas connus, sont tombés victimes de son intelligence oublieuse ou inquiète ? Tout ce qu'il nous est donné de constater encore, ce sont les formes surprenantes et parfois ennemies que prend, tantôt dans l'inconscience absolue, tantôt dans une espèce de conscience, le fluide extraordinaire qu'on nomme la vie, qui nous anime en même temps que tout le reste, et qui est cela même qui produit nos pensées qui le jugent et notre petite voix qui s'efforce d'en parler.